Rendez-vous de Frivolité de Jean Brumaire, lu pour LibriVox.org. Rendez-vous. Oh, ma belle et belle maîtresse, elle a sonné l'heure d'ivresse qui nous réunit chaque jour, heure trop longtemps désirée. Je te revois, mon adorée, fermons la porte à double tour. Et maintenant, ma douce amie, que pas une oreille ennemie et que pas un œil indiscret ne peuvent te voir ni t'entendre, pas plus qu'un jaloux te surprendre, parlons sans crainte et sans secret. Que te dire en ma joie extrême? Que je t'aime, et puis que je t'aime, c'est le seul mot vrai. Et toi, tu me diras de même, je t'aime, et puis encore, je t'aime, comme un écho qui répondrait. Quel siècle depuis hier, ma belle, que cette nuit me fut cruelle, et ce jour qu'il m'a paru long! Combien tourmenté d'insomnie avant que la nuit fût finie, ma bouche a prononcé ton nom. Mais un seul instant, ta pensée ne s'est-elle pas abaissée sur celui qui t'adore tant, et ton cœur n'appelait-il l'heure à ton amant qui souffre et pleure d'apporter la joie en entrant? Oh, je le vois à ta prunelle qui semble refléter en elle tout ce que ton âme a d'amour. Tu souffrais aussi de l'absence et t'apprêtais longtemps d'avance à m'enivrer de ton retour. Déjà, je vois ton beau visage se colorer. Sous ton corsage, je sens bien fort battre ton cœur. Tes grands yeux sont pleins de tendresse. Encore un baiser, ô maîtresse. Encore, et voilà le bonheur. Fin de Rendez-vous, lu par Ezoie, en Belgique, en février 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public.